Dieu est pour moi un abri, Dieu est pour moi un appui. Je trouve un abri à l'ombre de ses ailes, contre tous ceux qui me harcèlent. Béni soit celui qui se confie en l'Éternel. Béni soit celui qui espère en lui, en l'Éternel. Moi, comme un arbre planté sur la rive d'un torrent, étendant ses racines jusqu'au cœur du courant, je plonge dans ton onde, mon Dieu vivant. Béni soit celui qui se confie en l'Éternel. Béni soit celui qui espère en lui, en l'Éternel. Au du plus haut de ton ciel nous vient le salut éternel. Tu es mon Dieu fidèle et j'aime ta loyauté. Tu me prends sous ton aile, mon bien-aimé. Béni soit celui qui se confie en l'Éternel. Celui qui espère en lui, en l'Éternel, en l'Éternel.